de son école, il y a plein de trucs un peu fous. Il y a plein d'enfants qui rigolent, oui mais surtout. Dans le couloir de son école, il y a une boîte à bijoux dans laquelle les pleurs s'envolent, et c'est tout. C'est une vraie malle au trésor, pleine de tendresse et de bisous. La malle où se repose encore son doudou. C'est la malle que l'on surveille, c'est la malle à doudou. Elle renferme tant de merveilles pour un bout de chou. Dans le couloir de son école, il y a des photos sur les murs. Encore des enfants qui rigolent et ça rassure. Dans le couloir de son école, il y a un enfant qui pleure. Une maîtresse qui le console, n'aie pas peur. Elle lui ouvre la boîte où l'on fouille, plein de tendresse et de bisous. Là où dort l'ami qui chatouille, son doudou. Il le blottit tout contre son cœur, il sent le parfum de maman. Le doudou va calmer les pleurs. C'est une vraie malle au trésor, pleine de tendresse et de bisous. C'est la malle où se repose encore son doudou. C'est la boîte que l'on surveille, c'est la malle à doudou. Elle renferme tant de merveilles pour un bout de chou. Dans le couloir de son école, il y a plein de trucs un peu fous. Il y a plein d'enfants qui rigolent, oui mais surtout. Le couloir de son école, il y a une malle à bijoux dans laquelle les pleurs s'envolent, et c'est tout.